L'actualité à Nancy et ailleurs. Place Carrière à Nancy, la fête des associations accueillera ce 27 septembre une grande action de recyclage et de prévention santé qui est portée par les Lions Club de Nancy. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Nicolas Lambert, bonjour. Bonjour à tous. Vous représentez notamment le Lions Club de Toul, c'est oui. Ça, mais vous êtes aussi responsable européen. C'est ça, j'ai des occupations européennes, je gère en fait les relations entre les États-Unis où il y a le siège de notre association et puis les différents pays européens, notamment la France, la Belgique et le Luxembourg. Alors on va peut-être revenir après sur vos actions, mais déjà un mot sur ce rendez-vous qui approche à grands pas, c'est ce samedi 27 septembre. Vous pouvez nous expliquer un peu le concept? On essaie d'être présent pour présenter en fait au grand public les différentes actions qui sont réalisées par les clubs de Nancy. Ça doit être la quatrième ou cinquième année que nous avons un stand donc, sur le forum des associations. Et cette année, on a décidé d'organiser une action de prévention santé. On proposera des contrôles de la vue et des pistages du diabète, ce qu'on fait habituellement dans les différents endroits où on organise des actions de service. On fera également une collecte de radiographie, puisque c'est à la fois un recyclage, donc c'est une action, on va dire, environnementale, mais ça nous permet à nous aussi de récupérer des fonds pour réaliser nos actions de service. Et puis, collecte de lunettes usagées, puisque beaucoup de personnes ont dans leur tiroir des lunettes qu'ils n'utilisent pas, et nous, en fait, on a un centre qui s'appelle Medicolion, c'est qui recycle, en fait, les lunettes et qui les redistribue aux personnes qui en ont besoin. Et c'est aussi le cœur des actions du Lions Club aussi, cette sensibilité autour des thématiques de la santé? Alors c'est une partie de nos activités puisque nous avons, dans les différents thèmes que les clubs organisent, on a la prévention de la vue, la lutte contre le diabète, l'environnement, le suivi des personnes en situation de handicap et d'autres activités que chaque club peut mettre en place sur son secteur en fonction des besoins qui sont détectés sur place. Vous représentez aussi le club de Toul, hein, c'est ça? Oui. Vous avez des sensibilités, des actions particulières sur ce club-là? Ah oui, alors bon, le club de Toul réalise beaucoup d'actions donc en matière de prévention diabète, environnement et puis jeunesse, puisqu'on a organisé sur ces trois dernières années le salon de l'environnement à Toul pour faire de l'information la plus exhaustive possible sur les thématiques environnementales. Et puis on organise beaucoup d'actions pour la jeunesse également. Donc ce samedi 27 septembre, si des auditeurs ont chez eux des anciennes radiographies, ouais, et des anciennes lunettes dans un fond de tiroir, on n'hésite pas à vous les ramener. Donc comment vous les valorisez après? Alors, on a un centre de traitement pour les lunettes, comme je le disais, donc, oui, qui fait le recyclage des lunettes. Les radiographies, c'est une société du sud, de Marseille, qui vient les chercher partout en France. Hein, donc, ils récupèrent, en fait, nous, on a des conteneurs, hein, ça fait à peu près un mètre cube. Et donc, on remplit ce conteneur au fur et à mesure de nos activités. Et puis, c'est retraité, c'est-à-dire que la société va ressortir de ces radiographies les métaux lourds qui sont à l'intérieur. Donc ça permet donc d'éviter qu'ils partent dans la nature. Et donc c'est recyclé, ça repart dans l'industrie. Et puis nous, on touche une petite indemnisation sur les radios qui ont été collectées. Voilà, on a évoqué les radios, les lunettes, et vous avez aussi évoqué un contrôle de dépistage du diabète. Alors absolument, comment ça se passe sur place? Oui, alors sur place, on a des infirmières, des médecins qui seront présents donc, tout au long de la journée. Donc chacun peut venir et puis on fait un petit prélèvement sanguin, donc, ce qui permet de déterminer le taux du diabète du moment. Et avec les médecins qui sont sur place, on peut bien sûr donner une indication, on va dire, hein, une indication sur le taux de diabète. À chaque fois qu'on organise ce type d'action dans nos différents clubs, malheureusement, on détecte toujours une ou plusieurs personnes qui est diabétique et qui ne le savait pas. C'est important de faire des contrôles, parce que c'est une maladie sournoise, hein, le diabète, comme chacun sait. Beaucoup de personnes sont atteintes de diabète sans le savoir. Donc ce samedi 27 septembre, on peut aller à votre rencontre, en une petite piqûre, on pourra savoir si voilà, tout va bien ou s'il faut faire attention à certaines choses. Voilà. C'est ça, et on vient aussi vous apporter des lunettes. Voilà, on peut tout faire en même temps. On peut tout faire en même temps, voilà. Apporter des lunettes, apporter des vieilles radios, puis voilà, contrôler la vue et le diabète. Et découvrir aussi toutes les autres actions, parce qu'on peut échanger aussi avec vous à l'occasion, hein, c'est le principe de cette fête des assos. Bien sûr, puisque là, on réunit en fait tous les clubs de Nancy. Donc, il faut savoir qu'on a 8 clubs à Nancy qui travaillent sur l'ensemble du territoire. Et puis, 2 nouveaux clubs, hein, un club qui a été créé pour la partie est de Nancy, qui s'appelle Nancy Métropole, et un club club qui a été créé il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Nancy Bourgard, donc qui est venu compléter l'ensemble des lions qui sont sur place de Nancy. Il y a tellement de choses à faire qu'on a besoin de créer de nouveaux clubs et puis d'accueillir de nouveaux lions. D'autres actions peut-être aussi à venir après ce rendez-vous du 27 septembre, mais sans trop en dire peut-être. Alors, sans trop en dire, on est en train de travailler avec le NJP, Nancy Jazz Pulsation. On a un projet de partenariat donc, pour accompagner les personnes en situation de handicap sur les lieux de concert, par exemple, et d'organiser des activités dans les écoles ou dans les EHPAD ou partout où c'est possible, où on peut faire un petit peu de connaissances musicales, d'amener des enfants à apprendre ou à jouer de la musique. Un projet qui va mûrir assez rapidement. Et vous, Nicolas Lambert, qu'est-ce qui vous passionne justement dans cet engagement avec les Lions Club? Bah, je dirais que comme tous les lions, nous, notre ambition, c'est de servir. C'est de détecter sur des endroits des besoins particuliers, par exemple dans un EHPAD où il peut y avoir un besoin de mettre en place une animation musicale, comme je viens de le dire. Oui. Ça peut être aussi des enfants qui sont défavorisés, qui ne peuvent pas aller en vacances, donc on peut leur apporter des vacances ou les emmener à Frépertuis, puisqu'on organise chaque année des journées à Frépertuis. C'est travailler avec l'hôpital d'enfants, par exemple, parce que là, on va les rencontrer prochainement pour remettre en place des séances de clownothérapie. Ça a été fait déjà dans le passé, donc ça permet aux enfants qui sont malades dans les hôpitaux d'avoir un petit peu de bon temps et d'alléger les souffrances au quotidien. Merci beaucoup Nicolas Lambert, on peut retrouver bien sûr les Lions Club sur internet, on fait un moteur de recherche, on tape Lions Club Toul, Nancy, absolument. Et on vous trouve facilement. Absolument, il y a 3 sites, il y a les sites de chaque club, il y a le site de Lions France et puis le Lions International, mais tout est en lien et on trouve assez facilement. Et bien sûr, Place Carrière ce samedi 27 septembre. Voilà, on attend tout le monde, effectivement, Place Carrière, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.